Voici maintenant un enregistrement où je vais poser 50 questions à un robot conversationnel qui se rapporte à l'œuvre de Marc de la Salle, advenant que vous aimeriez vous-même lui poser des questions. Eh bien, vous allez retrouver en bas de l'enregistrement le lien web s'y rapportant pour y accéder. Je veux tout simplement savoir c'est quoi la science pour Marc de la Salle. Pour Marc de la Salle, la science ne se limite pas à l'expérimentation matérielle ou à l'observation empirique. Il parle de la science de l'esprit qui repose sur le développement extrasensoriel et mental de l'homme en lien avec les mondes invisibles. Il considère que l'homme doit acquérir une science intégrale qui dépasse la simple connaissance intellectuelle et qui s'ancre dans une compréhension vibratoire et psychique de la réalité. Il critique aussi la science conventionnelle en expliquant qu'elle a certes permis d'écarter certaines croyances religieuses, mais qu'elle reste incomplète, notamment parce qu'elle ne saisit pas la nature véritable de la pensée et de l'énergie psychique. Pour lui, la véritable science inclut la compréhension de l'esprit et la dissolution des illusions de l'ego. Si tu veux approfondir, tu peux lire La science de l'esprit, où il développe en détail cette approche. Qu'est-ce que la vie pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, la vie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est une vibration impersonnelle qui se manifeste selon l'autorité que chacun a sur son savoir. Il décrit la vie comme un mouvement d'énergie diurne et nocturne qui vise à faire émerger l'esprit en l'homme afin qu'il ne soit plus uniquement gouverné par l'âme. Il critique la vision limitée de la vie que l'homme entretient à cause de son ego et de sa mémoire. Selon lui, ce que l'homme appelle aujourd'hui la vie est en réalité une illusion imposée par l'âme qui a réussi à conquérir la matière. La véritable vie, pour lui, est une vie consciente et intelligente, où l'ego est libéré de son passé et de son conditionnement. Il affirme aussi que vivre une vie libre signifie apprendre à ne plus être soumis aux influences extérieures, y compris de l'invisible. L'homme doit se détacher des oppositions et des illusions pour devenir réellement maître de son existence. Qu'est-ce que la mort pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, la mort n'est pas une finalité, mais une transition. Il insiste sur le fait que la vie et la mort font partie d'un même mouvement évolutif où l'ego doit apprendre à se détacher des illusions de la matière. La mort ne signifie pas l'extinction de la conscience, mais plutôt un passage où l'âme poursuit son évolution en fonction de la vibration qu'elle avait au moment du décès. Il évoque aussi l'importance de la gestion des émotions lors de la perte d'un proche, expliquant que le chagrin, la culpabilité ou l'attachement excessif peuvent affecter l'âme du défunt et l'empêcher d'accéder pleinement à son plan de repos. La mort est donc une continuité où l'ego doit apprendre à se libérer des attachements pour ne pas entraver le processus naturel de l'évolution des âmes. Si tu veux aller plus loin, comprendre la mort explore en détail ces idées et leur impact sur la manière dont nous appréhendons la fin de la vie. Est-ce qu'il y a de la vie après la mort pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, la mort n'est pas une fin, mais une transition. Il explique que l'âme ne disparaît pas après la mort physique, mais rejoint un plan de repos en fonction de la vibration qu'elle avait au moment du décès. Cependant, certaines âmes peuvent rester attachées à la terre si elles sont trop influencées par des émotions ou des liens non résolus. Il rejette l'idée traditionnelle du paradis et de l'enfer, affirmant plutôt que les âmes évoluent selon leur niveau de conscience et leur capacité à intégrer l'intelligence de la vie. La mort est ainsi un moment de réorganisation où l'âme doit accepter sa nouvelle condition et se préparer à une éventuelle réincarnation. Son livre « Comprendre la mort » détaille ses concepts et insiste sur l'importance pour les vivants de ne pas retenir les défunts par attachement ou souffrance, car cela peut les empêcher de poursuivre leur évolution. Qu'est-ce que l'âme pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, l'âme est essentiellement un corps d'énergie qui enregistre toutes les expériences humaines sous forme de mémoire. Elle sert à codifier ces expériences en fonction des émotions ressenties, ce qui crée une programmation qui influence l'ego tout au long de son existence. Cependant, il considère l'âme comme un frein à l'élévation de la conscience. Selon lui, elle est profondément liée aux forces du monde de la mort et empêche l'homme d'accéder à une véritable intelligence universelle. L'âme enferme l'individu dans des schémas répétitifs et dans une dépendance aux pensées astrales. Dans son processus évolutif, l'homme doit progressivement remplacer l'emprise de l'âme par l'esprit. Ce remplacement permettrait à l'ego d'accéder à une réalité plus vaste, libérée des illusions et des influences astrales. Qu'est-ce que l'esprit pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, l'esprit est la clé de l'évolution de la conscience humaine. Il représente la source de l'intelligence pure, non altérée par l'âme ou la mémoire astrale. Contrairement à l'âme qui enferme l'individu dans une programmation involutive, l'esprit est la force qui permet à l'homme d'accéder à une science intégrale et à une compréhension vibratoire du réel. L'esprit est ce qui doit progressivement remplacer l'influence de l'âme sur l'ego. Une fois cette transition accomplie, l'homme devient scient de la vie, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit plus la réalité, mais la sait instantanément, sans passer par le filtre de la pensée. Ce processus lui permet de devenir totalement libre et autonome face aux forces invisibles qui cherchent à maintenir son asservissement. L'esprit est donc l'élément central du développement de la conscience, permettant à l'homme de dépasser l'illusion de la matière et de se reconnecter à son intelligence cosmique. Qu'est-ce que l'argent pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, l'argent est un pouvoir qui, selon son usage, peut être soit un outil d'équilibre et de dignité, soit un instrument d'asservissement et de domination. Il critique la manière dont l'argent est utilisé par les gouvernements et les multinationales pour maintenir un contrôle sur les peuples, notamment à travers la corruption et la concentration des richesses. Il met aussi en garde contre les pièges du crédit qui enferment les individus dans une illusion de liberté, alors qu'ils deviennent dépendants d'un système économique qui les prive de leur véritable autonomie. Pour lui, l'argent devrait être un moyen d'échange servant à équilibrer le développement humain et non un levier de pouvoir qui aliène les masses. En somme, il ne rejette pas l'argent en tant que tel, mais il dénonce son utilisation pervertie et l'impact qu'il a sur la conscience humaine lorsqu'il devient une fin en soi au lieu d'être un simple outil. Qu'est-ce que la richesse pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, la richesse ne se limite pas à une simple accumulation de biens matériels. Il critique la concentration de la richesse entre les mains d'une minorité et la manière dont l'argent est utilisé comme un outil de pouvoir et de domination. Selon lui, la véritable richesse réside dans la dignité, l'accès à l'éducation et la capacité d'un individu à se libérer des structures de contrôle économique et politique. Il souligne que la mauvaise répartition de la richesse est une des causes fondamentales des inégalités mondiales et des conflits sociaux. Pour lui, un partage intelligent des ressources permettrait d'assurer une meilleure évolution de la société, plutôt que de perpétuer un système basé sur l'exploitation. En somme, la richesse, dans son essence, devrait servir à l'élévation de l'homme et non à son asservissement. Qu'est-ce que l'astral? L'astral, selon Marc de la Salle, est une dimension qui influence profondément la psyché de l'homme et le maintient dans une forme de manipulation involutive. Il décrit la pensée astrale comme une énergie subtile issue du monde de la mort qui pénètre la psyché de l'homme pour induire une désinformation constante et altérer sa perception du réel. Cette pensée astrale agit en tandem avec l'ego et l'âme pour maintenir l'homme dans un cycle de croyances et d'émotions qui le sépare de son intelligence réelle. Elle exploite la mémoire et la programmation karmique pour ancrer des illusions dans la conscience de l'individu. Marc de la Salle insiste sur le fait que l'achèvement d'une identité propre passe par la capacité de l'esprit à gérer l'astral. Il met en garde contre les égrégores et les pensées astralisées qui peuvent désorienter l'individu et affaiblir son alignement avec son intelligence réelle. L'objectif pour l'homme, selon lui, est d'inverser ses énergies astrales en intégrant une conscience supramentale et en développant une intelligence vibratoire qui ne se laisse plus influencer par la mémoire et les illusions du passé. Si vous souhaitez approfondir, pour explorer comment l'astral influence la pensée humaine, tapez 1. Pour comprendre comment inverser ses énergies et atteindre une conscience supramentale, tapez 2. Qu'est-ce que la réalité? Selon Marc de la Salle, la réalité est une vibration qui doit être perçue directement par l'individu sans qu'elle passe par l'interprétation mentale. Il insiste sur l'idée que la réalité ne doit pas être réfléchie, mais vibrée à travers l'intelligence prépersonnelle, c'est-à-dire une conscience qui ne dépend plus de la polarité du bien et du mal. Il explique également que la réalité de l'homme est souvent altérée par les influences astrales et mémorielles qui le maintiennent dans une perception biaisée. L'accès à une réalité intégrale nécessite donc une rupture avec les valeurs imposées par l'ego et l'âme pour s'aligner sur une intelligence universelle qui transcende les illusions. En somme, la réalité selon de la Salle est ce qui est perçu sans distorsion par l'ego lorsqu'il est libéré des influences astrales et de la mémoire. Il ne s'agit pas d'un concept abstrait, mais d'un état vibratoire qui se vit au-delà des conditionnements psychiques et émotionnels. Si vous souhaitez approfondir, pour comprendre comment l'ego altère la perception de la réalité, tapez 1. Pour explorer comment accéder à une réalité vibratoire sans distorsion, tapez 2. Qu'est-ce que l'intelligence? Marc de la Salle définit l'intelligence comme une vibration pure qui ne passe pas par la réflexion mentale. Contrairement à l'intellect, qui est conditionné par la mémoire et l'astral, l'intelligence est un savoir direct, une connexion instantanée avec les lois de la vie. Elle ne repose pas sur l'accumulation de connaissances, mais sur une capacité à percevoir la réalité sans distorsion. L'homme qui intègre cette intelligence cesse d'être manipulé par des pensées extérieures et devient un être créatif, capable d'agir en harmonie avec l'univers. En somme, l'intelligence est ce qui permet à l'homme de sortir du conditionnement involutif et de se libérer des influences astrales et mémorielles. Si vous souhaitez approfondir, pour explorer la différence entre intelligence et intellect, tapez 1. Pour comprendre comment intégrer cette intelligence vibratoire, tapez 2. Qu'est-ce que la joie? Marc de la Salle ne définit pas directement la joie comme un concept central ou isolé. Toutefois, dans ses écrits, il en traite indirectement en décrivant ce qu'il appelle la joie éphémère de l'ego, qui surgit dans des contextes émotionnels comme l'achat ou la réussite momentanée. Il montre que cette joie, en réalité, est le produit d'une compensation astrale qui se substitue à une vraie conscience de soi. Par exemple, il écrit « La joie éphémère de l'ego se fait sentir jusqu'à ce que l'émotion de la déception la remplace. » Autrement dit, cette forme de joie est toujours instable, car elle est liée à l'émotion, donc à l'âme, à ses mémoires et au corps émotif. Elle n'est pas issue de l'esprit ni de la vibration réelle de l'intelligence dans l'homme. Cela en fait une manifestation involutive qui maintient l'homme prisonnier de la roue astrale des émotions. Il est également précisé que l'émotion sort toujours l'homme de la centricité de son intelligence prépersonnelle, ce qui inclut la joie comme une énergie de l'âme, non comme une vibration d'esprit. Cette distinction est fondamentale. La joie, tant qu'elle est émotionnelle, est un leurre vibratoire qui donne une impression de bien-être, mais aliène la conscience à sa programmation karmique. Il ne faut donc pas confondre la joie ressentie dans l'ego avec une vibration issue du double ou de la conscience éthérique. Dans cette perspective, ce que plusieurs appellent « joie » peut n'être qu'un reflet astral déguisé, une pulsion douce qui colore momentanément le mental sans le transformer réellement. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la distinction entre émotion et vibration, ou tapez 2 pour creuser le rôle du corps émotif dans la production des fausses joies. Qu'est-ce que le rêve? Marc de la Salle définit le rêve comme un indicateur précis de l'état d'intégration de la volonté dans l'ego. Il écrit que le rêve est un indicateur adéquat pouvant signifier à l'homme où il se trouve dans l'intégration de sa volonté. Plus une personne peut, dans son rêve, faire entendre sa parole et y intervenir, plus cela témoigne d'une capacité à confronter l'astral. Car dans le rêve, il n'y a aucune frontière entre la conscience nocturne de l'homme et sa matérialité. Autrement dit, le rêve n'est pas un simple théâtre psychologique ou un refuge symbolique. C'est un champ de bataille direct entre l'ego et les forces astrales qui cherchent à le manipuler. Le silence de l'ego dans le rêve reflète donc une absence de volonté consciente dans les plans subtils. À l'inverse, la parole dans le rêve est vibratoire. Elle repousse l'astral et marque une avancée dans la capacité de l'ego à se positionner fermement sur tous les plans de sa conscience. Le rêve est donc, dans cette perspective, une zone d'observation privilégiée pour mesurer la présence réelle de l'esprit dans la conscience. S'il n'y a pas de prise de parole, de réaction consciente ou de résistance, c'est que l'astral domine encore l'ego dans ses couches profondes. Ce n'est pas un lieu d'interprétation psychologique, mais une scène réelle de confrontation vibratoire. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la mécanique astrale du rêve, ou tapez 2 pour comprendre le rôle de la parole comme structure vibratoire dans l'ego. Qu'est-ce que la société? Pour Marc de la Salle, la société n'est pas un simple regroupement de citoyens, ni une construction neutre. Elle est d'abord un champ de conditionnement collectif qui agit directement sur la conscience de l'individu à travers le pouvoir, la morale, la religion, l'économie et la politique. Elle est donc un lieu de dépersonnalisation de l'ego, car elle lui impose des valeurs collectives qui empêchent l'individu de se penser à partir de lui-même. Il affirme que la société moderne repose sur un narcissisme collectif qui pousse l'individu à glorifier son image plutôt qu'à éduquer, ce qui fragilise son identité profonde. Il parle d'un étiolement du tissu social qui provient de cette obsession de la performance, du succès et de l'image, au détriment de la dignité, du discernement et du respect réel de l'autre. Il ne s'agit donc pas de critiquer la société de manière politique ou morale, mais de voir que toute mauvaise gestion des aléas de la vie par une société ou un individu mène à des dérapages. Pour lui, c'est la perte d'individualité au profit de l'individualisme qui crée la dégénérescence sociale. Il distingue clairement les deux. L'individualité est la construction d'une identité vibratoire respectueuse de l'autre. L'individualisme, lui, est un repli narcissique sur le moi social. La société devient ainsi un obstacle quand elle n'est plus le reflet d'une intelligence collective en mouvement, mais une structure figée qui nivelle par le bas l'intelligence de ses citoyens. Elle éloigne l'homme de sa capacité d'émettre une pensée réelle et de vibrer une conscience libre. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment la société manipule l'ego par le pouvoir et la morale, ou taper 2 pour voir comment l'individu peut se réinventer dans une société en crise. Qu'est-ce que le travail? Pour Marc de la Salle, le travail n'est pas seulement une activité sociale ou économique. C'est un miroir de la conscience et un révélateur des mécanismes occultes qui conditionnent l'ego. D'abord, le travail est souvent un terrain d'aliénation. Il devient le reflet d'une programmation astrale qui pousse l'ego à se définir par la performance, la reconnaissance ou encore le sacrifice au nom de la famille ou de l'utilité sociale. Il montre que le devoir d'amener de l'argent pour soutenir la famille est favorisé au détriment de mener à un équilibre sain et que l'accomplissement de soi devient alors une illusion stressante, génératrice d'anxiété. Il avertit également que la réussite dans le travail peut être un piège si elle renforce des valeurs fausses. Ce que l'on croit être un succès peut en réalité cacher un effondrement intérieur si l'ego s'y attache sans se connaître. Ainsi, une promotion ne change rien à l'identité si elle est vécue dans l'astral, car elle ne libère pas, elle attache davantage à l'image. Le travail peut toutefois devenir un espace de mise en autorité vibratoire, si l'individu y exprime une parole lucide capable de faire reculer l'astral. Par exemple, exiger le respect de son patron, ce n'est pas affronter l'homme, mais l'astral en lui. Cela suppose que l'ego soit dans sa volonté réelle, non dans une réaction émotive. Enfin, le travail est utilisé comme outil de compression vibratoire. Les injustices, les conflits, les humiliations sont des tests pour l'ego qui doit soit s'effondrer, soit vibrer plus haut pour retrouver son axe. En résumé, le travail est une mise en scène de la conscience. Il peut enfermer ou libérer selon que l'ego y projette son insécurité ou sa volonté réelle. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment l'ego peut se redéfinir à travers son emploi, ou tapez 2 pour comprendre le lien entre travail et programmation astrale. Qu'est-ce que la peur? Pour Marc de la Salle, la peur, qu'il appelle plus précisément la crainte, est une vibration astrale intrusive, inscrite dans l'ego par la programmation de l'âme. Ce n'est pas une simple émotion subjective. C'est un mécanisme de domination émis par le monde de la mort pour maintenir l'homme dans l'ignorance des lois de la vie. Il écrit clairement « La crainte est une vibration qui unit des entités du monde de la mort pour assurer que le processus de la soumission complète de l'ego aux lois de l'âme serve sa programmation astrale. » Autrement dit, l'homme croit que ses peurs sont personnelles alors qu'elles sont induites par des pensées réfléchies issues du monde astral. L'ego s'attribue la responsabilité unique d'être le créateur de ses craintes, alors qu'en vérité, ses pensées lui sont imposées. La peur empêche l'ego de vibrer à son intelligence réelle. Elle le réchauffe mentalement et émotionnellement, ce qui veut dire qu'il est alors en résonance avec l'âme et non avec l'esprit. Or, dans la crainte, l'homme est chaud dans son mental et ses émotions, alors qu'il doit être froid. Finalement, la peur est décrite comme une codification mémorielle, un outil luciférien qui enferme l'homme dans le passé et le maintient dans la souffrance. Elle est un test, un déclencheur possible de rébellion, mais seulement si l'ego se réveille et cesse de croire que ses pensées viennent de lui. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment la peur est utilisée pour manipuler l'ego à travers la pensée, ou tapez 2 pour voir comment la neutralité mentale permet de la dissoudre vibratoirement. Qu'est-ce que sont les émotions? Les émotions, selon Marc de la Salle, ne sont pas de simples états subjectifs. Elles sont des mécanismes occultes utilisés par l'âme pour maintenir l'ego dans une conscience polarisée, réflexive et inconsciente. Il affirme avec clarté, l'émotion sort toujours l'homme de la centricité de son intelligence prépersonnelle. Elles ne sont donc pas neutres. Elles alimentent le lien karmique entre l'âme et l'ego en servant de carburant aux corps émotifs, que De La Salle décrit comme le moteur karmique de l'âme dans la matière. Le corps émotif ne possède aucune compréhension intelligente du réel. Il favorise la réflexion dans le mental inférieur, ce qui éloigne l'homme de la vibration froide de l'esprit. L'émotion est ainsi une réaction issue de la mémoire astrale, qui vient colorer la perception des événements. Elle permet à l'âme de manipuler l'ego par les impressions. Par exemple, une tristesse liée à une rupture est vue comme un attachement à une mémoire, non comme une expérience réelle ou utile. Marc de la Salle oppose fortement la sensibilité, qu'il associe à l'intelligence vibratoire, à la sensiblerie, qui est une dégénérescence émotionnelle de la conscience. Il écrit « La sensiblerie efface l'extrasensorialité de la conscience de l'ego ». En somme, les émotions sont des forces astrales chaudes, étrangères à l'esprit, qui conditionnent le rapport de l'ego à la vie. Elles ne permettent jamais une perception claire du réel, mais renforcent au contraire l'illusion que ce que l'on ressent est vrai. Pour De La Salle, toute émotion est donc une manipulation, sauf si elle est transmutée en conscience neutre et froide. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la distinction entre sensibilité et sensiblerie, ou tapez 2 pour comprendre comment les émotions nous nourrissent le lien karmique entre l'ego et l'âme. Qu'est-ce que la justice? Pour Marc de la Salle, la justice humaine est perçue comme un système moral imparfait, souvent incapable de réparer les réels déséquilibres de la conscience. Il souligne que ce n'est pas parce qu'il y a eu mort d'homme que la justice doit et peut toujours triompher pour réparer le tort, car certaines situations demandent à être résolues sur un plan plus grand que la justice humaine. Il critique l'idée que la justice soit fondée sur la recherche d'un coupable, soulignant que cela relève davantage de la morale sociale que d'un réel discernement. Ainsi, la morale dans la justice est celle de trouver un coupable pour ensuite servir de réconfort, alors qu'une véritable intelligence viserait à dépasser ce cadre moral pour éveiller la conscience des individus. La Salle distingue donc entre la justice en tant qu'institution sociale, souvent instrumentalisée par la croyance, la morale ou la peur, et une justice vibratoire, issue du discernement et de l'intégrité intérieure de l'individu. Il affirme que la défense de l'intégrité ne relève pas nécessairement d'une loi ni d'une morale, mais doit venir de l'individu en premier. En ce sens, la vraie justice n'est pas l'application mécanique d'un code moral ou légal, mais l'exercice intelligent de la volonté vibratoire de l'homme dans une situation donnée. C'est une justice intérieure alignée sur la reconnaissance des lois de la vie qui ne passe pas toujours par les tribunaux ou les règles sociales. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la différence entre morale et discernement dans la justice, ou tapez 2 pour comprendre comment l'individu peut exercer une autorité vibratoire dans un contexte d'injustice. Qu'est-ce que le karma? Le karma, selon Marc de la Salle, est une programmation astrale de l'âme, imposé à l'ego pour le maintenir dans un cycle involutif de réincarnation, de mémoire et de souffrance. Il écrit explicitement « Le karma implique l'obligation de vivre des mémoires d'âme », ce qui signifie que l'ego est condamné à répéter des expériences non intégrées tant qu'il ne se détache pas de la réflexion astrale. Le karma n'est donc pas une loi morale de rétribution, mais un système de codification vibratoire issu des insécurités de l'ego. Il repose sur l'illusion que les pensées viennent de soi, alors qu'elles sont imposées par des entités du monde de la mort via la mémoire de l'âme. Tant que l'ego croit à ses pensées, il active lui-même sa boucle karmique. Marc de la Salle montre que cette programmation est au cœur du processus qu'il nomme l'involution. L'âme utilise le karma pour maintenir l'ego dans l'idée qu'il doit apprendre ou payer, alors que cela empêche l'accès au savoir réel. Il dit « Ce que l'homme appelle alors sa réalité est simplement une réponse déjà codifiée dans l'ego. Cette réalité recouverte de voiles émotifs ne permet jamais à l'ego d'être scient de la vie parce qu'elle est d'abord karmique. Le karma est donc un outil de manipulation psychique. L'âme y trouve son intérêt car cela nourrit son corps astral et son besoin de prolonger son expérience de la matière. » Briser le karma, c'est dévoiler cette mécanique. Reconnaître que les pensées ne viennent pas de soi, que les émotions ne sont pas la preuve d'une vérité et que l'ego peut vibrer en dehors des mémoires. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment le karma est lié à la mémoire de l'âme ou tapez 2 pour voir comment l'ego peut s'en libérer en rétablissant un lien avec l'esprit. Qu'est-ce que la lucidité? La lucidité, pour Marc de la Salle, est une présence vibratoire de l'intelligence dans l'ego, une capacité de voir à travers les pensées, les émotions et les conditionnements sans se faire piéger. Il ne la décrit pas comme une simple clarté mentale ou une compréhension psychologique, mais comme une neutralité froide capable d'intercepter les influences de l'âme et des entités astrales. Il explique que la lucidité et l'intelligence sont nécessaires pour ne jamais rester prisonnier de cette fragilité qui invariablement nous plonge davantage dans notre passé. Cela veut dire que la lucidité permet de ne pas se laisser happer par les mémoires ou les émotions qui tentent d'enfermer l'ego dans un scénario programmé. Cette lucidité est indissociable d'un regard froid, sans complaisance, que l'ego pose sur lui-même. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement ce qui se passe. C'est la capacité à gérer une situation en fonction de sa volonté prépersonnelle qui élèvera l'autorité de son ego. Autrement dit, la lucidité n'est pas passive. Elle engage une posture active d'autorité sur la pensée, sur la souffrance, sur les illusions. La lucidité est aussi ce qui permet à l'homme de trancher le réel avec intelligence et froideur, en ne se laissant pas entraîner dans le théâtre émotionnel ou réflexif des événements. Elle est la marque d'un ego présent à la vibration d'une pensée et capable de discerner si elle vient de l'astral ou du double. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le lien entre lucidité et neutralité mentale, ou tapez 2 pour comprendre comment la lucidité protège contre la manipulation de la pensée astrale. Qu'est-ce que la prophétie? Le terme « prophétie » n'est pas employé ni défini explicitement dans les écrits de Marc de la Salle. Toutefois, ce que plusieurs traditions appelleraient « prophétie » est radicalement redéfini dans son corpus à travers la notion de voyance froide, de vision éthérique ou encore de connaissance directe de la structure des événements à venir. Dans la déconstruction de la société moderne, il est clair que ce qui pourrait ressembler à une prophétie, comme l'annonce d'événements géopolitiques ou climatiques majeurs, est intégré à une lecture vibratoire du devenir de la Terre. Mais cette lecture ne vient pas d'une autorité extérieure. Elle est le produit d'une conscience humaine libérée du mensonge cosmique, capable d'entrer en télépathie avec les plans de l'invisible sans déformation astrale. Il est écrit par exemple, open quote, « L'apocalypse n'existe pas. Les événements destructeurs sont prévus à l'intérieur d'une constitution géopolitique qui favorise l'avènement d'une conscience mondiale de l'individu à un ordre absolu d'identité magnanime. » Close quote. Autrement dit, il ne s'agit pas de prophétie au sens religieux ou mystique, mais d'une lecture télépathique des forces en jeu dans les plans parallèles agissant sur la conscience planétaire. L'homme, dans sa dimension éthérique, devient voyant du réel, non parce qu'il prédit, mais parce qu'il voit froidement ce qui se joue au-dessus de sa conscience, sans mémoire, sans croyance, sans réflexion. Marc de la Salle déplace donc la question. Il ne s'agit pas de prophétiser, mais de savoir ce qui se construit ou se déconstruit à partir d'une vibration impersonnelle et absolue dans l'esprit. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion de voyance froide dans les écrits ou tapez 2 pour voir comment l'homme devient voyant du réel à travers la fusion avec son double. Qu'est-ce que le gouvernement? Marc de la Salle ne donne pas de définition stricte du gouvernement, comme on le trouverait dans un dictionnaire, mais il en propose une analyse vibratoire et systémique très critique. Il déploie cette notion dans la déconstruction de la société moderne en insistant sur le fait que la gouvernance actuelle est profondément liée à des forces de pouvoir occultes, financières, patriotiques et désinformantes. Pour lui, le gouvernement est avant tout un instrument de pouvoir, souvent incapable d'exercer sa fonction première, protéger la dignité du peuple. Il écrit que, open quote, « ce ne sont et ce ne seront toujours les gouvernements, en autant qu'ils soient gouvernés par de grandes personnes, qu'ils soient droits dans leur conscience politique avec le pouvoir, est tout ce qui fera la différence en autant qu'ils puissent gouverner, ce qui est difficilement le cas aujourd'hui. » Close quote. De La Salle démontre que les gouvernements actuels sont souvent dépossédés de leur capacité réelle d'action par des contre-pouvoirs invisibles, financiers, corporatifs, idéologiques. Il va jusqu'à dire que, open quote, le pouvoir n'est pas dans les mains des gouvernements. Close quote. Il parle aussi d'une distinction vibratoire entre un gouvernement démocratique manipulé et ce qu'il appelle plus loin un gouvernement cosmique ou la régence planétaire, une structure évolutive inscrite dans les annales de l'humanité. Ce gouvernement supérieur, non visible mais réel, agit à partir de l'intelligence vibratoire de l'homme en fusion. Open quote, la régence planétaire n'est pas un gouvernement occulte, mais un gouvernement inscrit depuis des millénaires dans les annales évolutives de l'homme. L'homme scien fait partie de ce gouvernement invisible, parce que scien de la vibration de la lumière. Close quote. Le gouvernement véritable, dans cette optique, n'est donc pas un appareil politique, mais une expression d'intelligence vibratoire en l'homme, capable de porter la parole du réel sur la Terre. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion de pouvoir et contre-pouvoir chez De La Salle, ou tapez 2 pour étudier la régence planétaire comme gouvernement vibratoire. Qu'est-ce que l'existence? Marc de La Salle ne donne pas une définition unique ou figée de l'existence, mais il en déconstruit les illusions pour en révéler la structure vibratoire profonde. L'existence dans ses écrits n'est pas une donnée extérieure ou un état figé, mais une réalité énergétique en constante transformation que l'homme doit sciemment réintégrer. Il écrit notamment que, open quote, la vie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est une vibration impersonnelle qui convient à l'autorité de chacun selon sa définition en lien avec le savoir. Close quote. Cette vibration, qu'on peut entendre comme l'essence même de l'existence, n'est pas un contenu émotionnel ou mental, mais une pulsation impersonnelle qui appelle l'homme à se repositionner en conscience, en dehors de toute polarité. Plus profondément encore, il précise que, open quote, la genèse de la vie repose sur la création par la lumière d'un atome pouvant expérimenter la matière. La vie est systématiquement, dans sa finalité, une fusion entre l'homme et le retour complet de son esprit dans la matière. Close quote. L'existence devient donc, dans ce cadre, un champ d'expérimentation vibratoire pour que l'homme, à travers son ego, son âme et son esprit, retrouve l'intégralité de sa conscience d'origine. Ce processus implique une désidentification des illusions de la vie de l'âme, des désirs, de la souffrance, et une réappropriation consciente des lois de la vie. Ainsi, exister, ce n'est pas vivre dans le monde, mais vibrer dans la conscience, ce que l'on est, hors de la mémoire, du mental inférieur et de toute programmation. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la structure de l'âme et son lien avec l'illusion de l'existence, ou tapez 2 pour suivre la trajectoire de la fusion entre l'esprit et l'ego comme finalité existentielle. Qu'est-ce que sont les extraterrestres? Marc de La Salle ne parle pas des extraterrestres au sens folklorique ou sensationnaliste du terme. Il utilise plutôt la notion d'être d'autres espaces-temps, d'intelligence différenciée dans le cosmos, que l'homme peut rencontrer, mais seulement s'il est préparé vibratoirement. Il les distingue clairement des entités astrales. Un extraterrestre n'est pas nécessairement un être de lumière. Voici ce qu'il affirme. Open quote. un extraterrestre est une intelligence codifiée à être dans un espace-temps prédéterminé par l'implosion de la lumière, à pouvoir devenir un être différencié dans le cosmos universel. Ils ne sont donc pas tous intelligents. Close quote. Autrement dit, il ne suffit pas d'être terrestre ou terrestre pour être évolutif. Certains extraterrestres peuvent avoir une vibration sans transparence, c'est-à-dire sans lien avec l'amour universel, et donc sans réelle capacité de reconnexion avec l'homme en tant qu'esprit. De La Salle va même plus loin. Open quote, ils ne savent pas qui est l'homme et ce que nous sommes, nous, la lumière. C'est pour cela que les extraterrestres ne sont pas tous des lumières, comme l'homme d'ailleurs. Close quote. Il met donc en garde contre toute fascination. Par exemple, il déconseille de s'emballer sur ces sujets, car cela active des résonances astrales dans l'ego. Open quote. Est-il approprié pour lui de parler allègrement ici et là des êtres extraterrestres? Possiblement que non, car cela fascine l'homme encore beaucoup trop. Close quote. Finalement, la relation avec les extraterrestres, dans sa perspective, ne peut être saine que si l'homme a reconnu la vibration de sa propre lumière et qu'il parle d'un verbe froid, non réfléchissant. Sinon, il reste vulnérable aux entités qui se feraient passer pour évoluer. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la distinction entre entité cosmique et entité astrale, ou tapez 2 pour étudier les conditions vibratoires d'un contact réel avec d'autres civilisations. Qu'est-ce que la technologie? Tu voulais parler de la technologie dans un contexte particulier. Par exemple, tu te demandes si elle interfère avec la conscience, si elle a une valeur spirituelle ou autre chose. En fait, je veux avoir la vision de Marc de La Salle par rapport à la technologie. Marc de La Salle aborde la technologie comme une force ambivalente. Elle peut être une aide à l'évolution de la conscience, mais aussi un outil puissant de manipulation involutive. Il insiste d'abord sur la nécessité de développer une vigilance froide face à la technologie. Par exemple, open quote, l'homme doit étudier avec un regard froid le développement de la technologie sur la Terre. Celle-ci a un impact évolutif réel, mais elle a aussi un ascendant involutif important qui cherche à manipuler la psyché de l'homme inconscient. Close quote. Les réseaux sociaux, l'usage des téléphones cellulaires, la surexposition aux ondes électromagnétiques sont dénoncés non pas en tant que tels, mais parce que leur usage inconscient affaiblit le champ vital et rend l'homme plus perméable à l'astral. Open quote. L'omniprésence de la technologie n'améliore pas la situation si l'homme ne la gère pas avec intelligence. Il doit se méfier du caractère occulte des technologies. Close quote. Mais il ajoute aussi que la science et la technologie sont appelées à être régénérées vibratoirement. Dans un futur où l'homme sera fusionné à son esprit, il accédera à une science mentale intégrée à la lumière. Open quote. Il ne s'agit pas pour lui de créer sur la Terre un monde où l'avancement de la technologie le desservira. Il doit plutôt devenir un soutien pour la science de son mental. Et cette science doit permettre la transparence dans la circulation de l'information. Close quote. Dans cette perspective, la vraie technologie est celle qui sert la lumière de la conscience et non la performance, le pouvoir ou la distraction. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les effets occultes des technologies modernes sur le champ mental ou tapez 2 pour étudier la future science mentale décrite par De La Salle. Qu'est-ce que la méditation? Marc de La Salle ne valide pas la méditation en tant que pratique spirituelle ou technique mentale. Il rejette toute forme de recherche intérieure qui se ferait par des exercices volontaires, des postures ou des tentatives d'apaisement de l'esprit à travers des moyens extérieurs à la vibration du réel. Ce qu'il propose en lieu et place, c'est un état de vide mental, non pas comme résultat d'une méthode, mais comme expression naturelle d'un ego dépolarisé, non réfléchissant, et vibratoirement uni à sa propre lumière. Il précise, open quote, le vide mental est cette électricité nécessaire qui permet à l'ego de s'élever en vibration pour qu'il ne se réfléchisse pas. Close quote. Ce vide n'est donc pas un état de relaxation ou d'attention, mais une coupure réelle avec l'âme et la mémoire. Loin d'être une absence de pensée, il est la fin de la réflexion et l'entrée dans un contact télépathique avec le réel. De la salle est très clair. Open quote. Il n'existe aucune technique qui permette le rapprochement avec l'esprit. La complexité évolutive d'un être se résume à ceci. Il n'y a pas assez de résistance vibratoire dans l'ego pour que l'âme puisse se faire corriger par lui. Close quote. La méditation au sens traditionnel ou spirituel est donc vue comme un leurre, un mécanisme d'endormissement mental. Elle maintient l'ego dans un rapport passif avec le mensonge cosmique, car elle ne le libère pas de la croyance en un chemin. En bref, De La Salle ne reconnaît que l'élévation vibratoire consciente, libre de tout rituel ou attente, comme modalité réelle d'unification à l'esprit. Toute méditation figée est dénoncée comme une astuce astrale. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion de vide mental et de non-réflexion, ou tapez 2 pour examiner pourquoi aucune technique spirituelle ne peut conduire à l'union avec l'esprit. Qu'est-ce que la philosophie? Marc de La Salle critique profondément la philosophie en tant que structure mentale de réflexion issue de l'ego et de l'intellect. Pour lui, la philosophie appartient, au même titre que la religion, à un ancien cycle involutif de l'humanité, incapable d'entrer en contact réel avec les lois de la vie. Il écrit clairement, open quote, les anciennes bases de la psychologie humaine, incluant la philosophie et les religions, céderont leur place à une science extrasensorielle de la vie. Close quote. Ce rejet ne vise pas à nier tout apport historique, mais à mettre en lumière que la philosophie ne peut produire aucun savoir réel sur l'origine de la pensée, car elle reste enfermée dans la réflexion intellectuelle. Il précise que le débat philosophique sur le réel ne permet pas à l'homme de sortir de sa confusion. Open quote. Le débat religieux et philosophique qui concerne le réel de la vie n'apporte pas de réponse adéquate pour éviter les débordements chaotiques de l'ego inconscient. Close quote. La pensée philosophique est donc vue comme un discours de surface, encore soumis à la mémoire, à la croyance et à l'illusion que l'homme pense par lui-même. Elle s'inscrit dans la polarité et non dans le savoir vibratoire. De La Salle appelle à une rupture avec ses approches pour entrer dans une science de l'esprit, fondée non sur le débat ou l'analyse, mais sur la reconnaissance directe que la pensée ne vient pas de l'ego, mais d'ailleurs. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer pourquoi la pensée philosophique est insuffisante face à la structure vibratoire du réel, ou tapez 2 pour découvrir ce que De La Salle appelle une science extrasensorielle de la vie. Qu'est-ce que la psychologie? Pour Marc de La Salle, la psychologie est indissociable de la pensée. Elle est définie non pas comme une discipline académique ou une série de théories, mais comme le reflet direct de ce qui entre dans la tête de l'ego. Il affirme, open quote, pour comprendre la psychologie de l'individu, il est incontournable d'accepter comme principe fondamental que la pensée influence tous les conditionnements de l'ego chez une personne. Close quote. Cela signifie que la psychologie n'est pas libre, mais programmée par des pensées inconscientes, souvent issues du passé, des mémoires, des valeurs héritées. Elle est un théâtre de la personnalité et non un espace d'intelligence libre. Il insiste sur le fait que, open quote, la vie vécue qu'une personne avance n'est que le produit de son passé réfléchi. Close quote. De La Salle parle donc d'une psychologie conditionnée, fondée sur des réflexes émotifs, des croyances et des résistances, qui maintient l'ego dans une fausse sécurité. Pour lui, il ne s'agit pas de l'améliorer, mais de la déprogrammer, en reconnectant l'ego à une conscience vibratoire lucide de ses pensées. Open quote, pour se déprogrammer d'une psychologie de l'ego désuète, il faut faire appel à un plus grand éveil de soi à ces pensées qui nous empoisonnent la vie. Close quote. La véritable psychologie, celle d'une conscience, vise donc à sortir du passé, à neutraliser l'émotivité et à établir un rapport froid avec les pensées qui traversent le mental. Ce n'est plus une analyse de soi, mais un dévoilement des influences invisibles sur le moi. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les mécanismes de conditionnement de l'ego par la pensée, ou tapez 2 pour étudier comment se déprogramme une psychologie figée. Qu'est-ce que la spiritualité? Pour Marc de la Salle, la spiritualité n'est pas une voie d'élévation de la conscience, mais une illusion astrale enracinée dans l'âme. Elle fait partie des vestiges du mensonge cosmique et sert à maintenir l'homme dans l'ignorance du réel. Il écrit sans détour, open quote, « C'est le besoin de l'âme de vivre sur la terre une vie qui la sert ». La spiritualité est l'un des vestiges du mensonge cosmique visant aussi à garder l'homme ignorant du réel. Close quote. Elle agit comme une forme de séduction douce en donnant à l'ego l'impression de faire le bien, de chercher Dieu, de s'élever, alors qu'en réalité, elle empêche toute autorité vibratoire réelle de l'esprit dans la conscience. De la Salle précise, open quote, la spiritualité sert uniquement et strictement à l'âme. Elle ne sert pas l'homme d'aucune façon parce qu'elle ne lui donne pas l'autorité de se révolter contre l'invisible. Close quote. Autrement dit, elle nie à l'homme sa souveraineté intérieure. Par l'intermédiaire de la croyance, elle construit un faux rapport avec la vie où l'homme se pense petit, serviteur ou dépendant d'un ordre supérieur, alors qu'il devrait se positionner comme autorité intégrale dans sa conscience. Il ajoute aussi, open quote, la spiritualité, c'est donc cela, ni plus ni moins, une volonté d'assujettir l'homme dans son ego à l'ordre luciférien de penser qu'il est petit devant la vie. Close quote. La spiritualité est ainsi perçue comme un piège subtil. Même les plus belles intentions, dès qu'elles sont teintées de croyances, d'idéal ou de recherche du bien, deviennent des mécanismes d'auto-aveuglement. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment la spiritualité empêche la révolte consciente contre l'invisible, ou tapez 2 pour examiner la façon dont l'âme utilise la pensée spirituelle pour maintenir l'ego sous contrôle. Qu'est-ce que la créativité? La créativité, selon Marc de la Salle, n'est pas une fonction mentale ou émotionnelle, ni un simple acte d'imagination. Elle est le mouvement de la lumière au travers la conscience individualisée intégrale de l'homme supramental ou universel. Autrement dit, c'est une expression directe de l'esprit dans un ego libéré de ses mémoires, de ses conditionnements, et surtout de l'astral. Il ne s'agit donc jamais de produire quelque chose de beau ou original selon les standards humains. Il va même jusqu'à dire que le tatouage ne possède aucune vision de la vie, donc il ne représente aucune créativité réelle. Ce genre d'expression, bien qu'esthétique, est souvent lié à l'âme, à la mémoire ou à la blessure, et non à l'esprit. La créativité réelle est une conséquence de l'intégration de l'énergie éthérique dans l'ego. Elle permet à l'homme de vibrer ce qu'il sait sans réfléchir ce qu'il crée. C'est pour cela qu'il affirme que tant que l'homme est prisonnier du mouvement de l'âme, il est dans l'illusion de la créativité. La créativité, dans cette perspective, est donc une vibration pure, un savoir instantané qui traverse la conscience sans passer par le filtre de la forme ou de la pensée réfléchie. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le lien entre créativité et esprit éthérique, ou tapez 2 pour examiner la fausse créativité issue de l'âme et de la mémoire. Je veux savoir maintenant, qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, pour Marc de la Salle, n'est pas un concept abstrait ni une force neutre. Elle est vibration, direction et puissance identitaire. Dans ses écrits, il montre que toute énergie véritable est liée à la lumière de l'esprit et non à la mémoire de l'âme. Par exemple, il distingue clairement la vibration, énergie vivante, créative, évolutive, de la pulsion, énergie morte issue de l'astral. La pulsion est une énergie morte colorée d'impressions, alors que la vibration est une énergie épurée provoquant dans l'ego l'élévation de son intelligence. L'énergie n'est donc pas simplement ce qui fait bouger les choses. Elle structure, oriente ou perturbe selon qu'elle est issue de l'esprit, lumière ou de l'âme, mémoire astrale. L'énergie peut ainsi être volontaire, mentale, cosmique ou éthérique, mais elle n'est jamais neutre. C'est toujours une force directionnelle en lien avec le niveau de conscience de celui qui la capte ou la subit. Il affirme aussi que la vie de l'esprit est un continuum d'énergie qui équivaut à mettre dans la matière la lumière de l'ego en vibration. L'énergie devient donc un révélateur. Elle révèle l'état de conscience de l'homme. Et s'il capte les bonnes vibrations, alors son énergie devient créative, libre et capable de modifier la matière. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la différence entre énergie astrale et énergie de lumière, ou tapez 2 pour comprendre le lien entre vibration, intelligence et esprit. Qu'est-ce que la matière? La matière, dans l'enseignement de Marc de la Salle, n'est pas un simple support physique ou une réalité figée. Elle est forme cristallisée d'une énergie, une densité, qui a été construite pour permettre à l'âme de dominer l'ego pendant le cycle de l'involution. Il dit notamment « La descente de la mémoire ou l'accumulation des expériences vécues par l'âme a été la courroie de transmission qui a donné naissance à un ego dans la matière. La matière est donc le résultat d'un processus de densification et elle a servi à piéger l'homme dans une vie séparée de son esprit. Mais cette matière peut être réintégrée, réorganiser, voire transformer, une fois que l'homme fusionne avec son esprit. C'est à ce moment que l'homme devient un soleil de conscience universelle dans le vide, capable de composer librement avec ce qui pousse la naissance d'une forme dans la matière selon l'énergie véhiculée sur les plans invisibles. Marc de la Salle insiste sur le fait que l'homme ne connaît pas encore la matière. Il la vit comme un bocal fermé, jusqu'à ce qu'il découvre l'extrasensorialité qui compose cette matière. La matière, dans cette optique, n'est plus un mur, mais un miroir, un terrain à reconquérir par l'esprit. Elle devient alors un vecteur de la conscience double, matière et éther unifiés. En somme, la matière est énergie densifiée par la mémoire de l'âme, et elle est appelée à être reprogrammée par l'intelligence de l'esprit. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment l'homme peut transformer la matière par son mental supramental, ou tapez 2 pour examiner comment l'âme a utilisé la matière pour dominer l'ego durant l'involution. Qu'est-ce qu'est Dieu pour Marc de la Salle? Pour Marc de la Salle, Dieu n'est pas un être suprême à adorer ou une entité extérieure bienveillante. Il déconstruit radicalement cette idée. Il écrit « L'homme n'a plus à supporter mentalement l'impression que ceux qui l'ont créé sont plus grands que lui. Jadis, on croyait que c'était Dieu qui décidait de la vie de l'homme. La croyance en Dieu est, selon lui, une fabrication astrale, un mécanisme de domination issu du monde de la mort. Elle empêche l'homme d'accéder à son intelligence réelle. Il précise « Toutes les religions du monde sont assises sur ce principe, soit que l'invisible, Dieu, est grand et que l'homme doit lui obéir parce que petit en conscience. Dieu, tel qu'imposé par la croyance, appartient à ce qu'il nomme le mensonge cosmique. Il affirme que cette figure sert à maintenir l'homme dans une position d'obéissance. L'homme accepte que ce soit la volonté de Dieu s'il est pauvre. Mais il ne sait même pas que tout est fait pour qu'il croie à autre chose qu'en lui-même. En réalité, ce que l'homme appelle Dieu est souvent une projection de sa propre ignorance spirituelle, nourrie par l'âme et ses mémoires. L'homme supramental ne croit plus, il sait ce qu'il est, sans devoir s'agenouiller devant une autorité extérieure. Il devient alors son propre soleil d'intelligence. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Marc de la Salle relie Dieu au mensonge cosmique, ou tapez 2 pour comprendre le rôle de la croyance religieuse dans l'involution. Quel est le sens de la vie? Pour Marc de la Salle, le sens de la vie ne se trouve ni dans le bonheur, ni dans la réussite, ni dans la quête spirituelle. Il dit clairement, la vie répond à un seul objectif, faire évoluer l'ego vers l'esprit. Autrement dit, la vie n'a pas de but émotionnel ou moral. Elle est un processus vibratoire destiné à permettre à l'homme de passer de l'inconscience planétaire, dominée par l'âme et ses mémoires, à une conscience objective, unifiée à son esprit. Tant que cette mutation n'est pas opérée, l'homme subit la vie car il est déconnecté des lois réelles qui la gouvernent. Il affirme encore, la destinée de l'homme sur la Terre est de vivre une vie entièrement intelligente, ce qui ne peut arriver que si l'esprit descend dans l'ego pour corriger les énergies animales et karmiques. La vie devient donc un champ d'ajustement vibratoire, pas un parcours moral ou psychologique. Elle ne vise pas à être belle, mais à être réelle, c'est-à-dire transparente à l'intelligence de l'esprit. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer ce que signifie vivre une vie intelligente selon Marc de la Salle, ou tapez 2 pour voir pourquoi le bonheur est une illusion de l'âme. Qu'est-ce que l'être? Marc de la Salle ne définit pas l'être comme une entité figée ou simplement humaine. Il le révèle comme un champ de conscience en perpétuel ajustement vibratoire entre deux pôles, l'âme et l'esprit. L'être réel, selon lui, n'existe qu'à partir du moment où l'ego est suffisamment transparent, c'est-à-dire purgé de la mémoire astrale et unifié à l'intelligence de l'esprit. C'est cette transparence qui permet à l'homme de manifester son identité universelle dans la matière. Il dit que l'homme est un continuum d'énergie, capable de se générer en dehors de l'âme, parce que son ego est ajusté à l'esprit et vit au diapason de la pensée cosmique. Cela signifie que l'être véritable n'est pas une entité définie par le corps ou la personnalité, mais un point de conscience vibratoire qui se réalise en fusion avec l'esprit. Inversement, lorsque l'ego est dominé par l'âme, l'être est falsifié. Il n'y a jamais réellement de nouvelle identité de vie pour l'ego, car il reste prisonnier des mémoires, des valeurs factices et des désirs issus du monde de la mort. L'être authentique, chez Marc de la Salle, naît donc lorsque l'ego devient parole, c'est-à-dire qu'il émet une vibration claire, non polluée par la mémoire, capable d'exiger du réel qu'il se révèle à lui. C'est cela l'homme devenu scient. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment l'ego devient un être réel en fusionnant avec l'esprit, ou tapez 2 pour voir comment la mémoire et l'âme falsifient l'être. Qu'est-ce que le passé? Le passé, selon Marc de la Salle, est un piège pour l'homme s'il s'y attache émotionnellement. Il ne doit pas être revécu, mais étudié avec détachement pour en tirer une nouvelle compréhension et corriger ce qui ne va pas. L'attachement au passé enferme l'ego dans des mécanismes de défense qui empêchent l'évolution. L'auteur souligne que la mémoire de l'âme est remplie d'illusions qui piègent l'ego et le maintiennent dans une continuité involutive. Se détacher du passé implique une transmutation vibratoire où l'intelligence réelle doit remplacer la programmation mémorielle. Il insiste aussi sur le fait que donner trop d'importance au passé peut restreindre la liberté intérieure. La culpabilité, le doute et le regret ne font qu'alourdir l'anxiété et empêchent d'intégrer de nouvelles valeurs qui servent réellement à l'équilibre personnel. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre mémoire et conscience, ou tapez 2 pour comprendre comment l'ego se libère de l'influence du passé. Qu'est-ce que le présent? Le présent, selon Marc de la Salle, est l'état dans lequel l'homme doit se situer pour se détacher des influences mémorielles et émotionnelles du passé. Il ne s'agit pas seulement d'un moment temporel, mais d'un positionnement de conscience qui permet d'être réellement libre dans sa vie. L'auteur insiste sur le fait que l'ego doit cesser de se référer à la mémoire pour vivre pleinement l'instant présent. L'âme, qui est une accumulation de mémoires et d'expériences passées, pousse l'homme à résoudre le présent en s'appuyant sur des schémas anciens. Et cela le maintient dans une boucle involutive. Être présent signifie donc être capable d'agir avec intelligence et détachement sans être influencé par les programmations du passé. De plus, il explique que la liberté véritable ne peut s'atteindre qu'en plaçant le passé à sa juste place, sans culpabilité ni regret, et en intégrant dans le présent les valeurs qui servent réellement à l'équilibre mental et psychique. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre le présent et la mémoire, ou tapez 2 pour comprendre comment l'ego peut s'ancrer dans le présent sans influence astrale. Qu'est-ce que le futur? Le futur, selon Marc de la Salle, n'est pas un temps figé, mais une construction vibratoire issue de la conscience présente. Il insiste sur le fait que l'individu ne peut pas totalement prévoir son avenir, car celui-ci dépend de son alignement avec une intelligence supérieure qui ajuste son parcours en fonction de sa capacité à intégrer des nouvelles énergies. Il met en garde contre l'attachement excessif au passé qui limite la capacité à s'ouvrir à l'inconnu du futur. Le futur ne doit pas être une projection issue des conditionnements de l'ego, mais une expression de la volonté libre de l'individu qui choisit d'agir en fonction de ce qu'il veut devenir. En ce sens, le futur n'est pas un absolu, mais un potentiel en construction qui dépend du degré de détachement de l'individu face aux influences mémorielles et aux croyances limitantes. Plus il est libre intérieurement, plus son futur est fluide et aligné avec sa véritable intelligence. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment l'ego-go influence la perception du futur, ou tapez 2 pour comprendre comment l'individu peut ajuster son futur consciemment. Qu'est-ce que le couple? Le couple, selon Marc de la Salle, est avant tout une alliance vibratoire et non un simple arrangement social ou affectif. Il s'agit d'une dynamique où l'homme et la femme doivent être en intelligence et en harmonie avec eux-mêmes pour que leur union soit réelle et évolutive. Il distingue le couple cosmique, qui repose sur la liberté totale et une connexion vibratoire profonde, du couple conventionnel, qui peut être fondé sur des besoins de l'ego ou des attachements mémoriels. Dans un couple véritablement évolutif, ni l'homme ni la femme ne doivent chercher à dominer ou à corriger l'autre, mais plutôt être en constante observation d'eux-mêmes. Le couple ne doit pas être un refuge pour l'insécurité ou un moyen d'échapper à la solitude. Il doit être une plateforme pour l'expansion de la conscience et non une structure qui fige l'individu dans des schémas répétitifs. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la distinction entre couple cosmique et couple conventionnel, ou tapez 2 pour comprendre comment préserver l'harmonie dans un couple évolutif. Qu'est-ce que la femme? Selon Marc de la Salle, la femme est un principe universel qui vibre naturellement l'énergie de l'amour. Elle n'a pas besoin de se réfléchir pour aimer, car elle incarne cette vibration à travers sa conscience et sa présence dans la matière. Sa force réside dans sa capacité à être en harmonie avec la vie, en générant la beauté et en l'exprimant naturellement. Lorsqu'elle est alignée avec son intelligence, elle devient une source de rayonnement et d'équilibre, tant pour elle-même que pour son entourage. Cependant, si elle ne se respecte pas en premier lieu, elle risque d'être manipulée ou dominée, notamment par des influences qui cherchent à exploiter sa nature généreuse. Ainsi, une femme consciente de son intelligence et de sa beauté intérieure ne se laisse pas définir par le regard extérieur, mais vibre sa propre liberté, sans crainte ni attachement. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre la femme et l'amour, ou tapez 2 pour comprendre comment elle peut préserver son intégrité vibratoire. Qu'est-ce que la famille? Selon Marc de la Salle, la famille est un cadre qui peut autant structurer que limiter l'individu, selon la manière dont il s'y positionne. Il explique que l'âme maintient généralement des liens forts avec la famille, ce qui peut amener l'ego à se sentir moins seul, mais aussi à être pris dans des relations non intelligentes si elles sont basées sur des attachements mémoriels plutôt que sur une véritable connexion consciente. Il met en garde contre l'idéalisation de la famille, qui peut enfermer l'individu dans des obligations et des schémas qui ne sont pas alignés avec son intelligence réelle. Ainsi, l'ego doit apprendre à se détacher des injonctions familiales pour vivre une vie plus libre et authentique. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre famille et mémoire karmique, ou tapez 2 pour comprendre comment préserver son individualité tout en respectant son lien familial. Qu'est-ce que la programmation? La programmation, selon Marc de la Salle, est un cadre énergétique et mémoriel qui régit l'expérience de l'ego dans la matière. Elle est principalement liée à l'âme et sert à structurer la vie de l'homme en fonction d'un cycle d'apprentissage basé sur des expériences récurrentes. L'auteur souligne que tant que l'ego reste inconscient de sa programmation, il est manipulé par des mémoires qui le poussent à répéter des schémas involutifs. La programmation astrale de l'âme influence ses décisions, ses émotions et même son rapport au monde. Cependant, il est possible de transcender cette programmation en intégrant l'intelligence de l'esprit. L'homme qui devient conscient des lois qui régissent sa vie peut commencer à gérer sa programmation plutôt que la subir. Cela implique une capacité à observer et comprendre les événements de sa vie avec un regard froid et détaché. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre programmation et mémoire de l'âme, ou tapez 2 pour comprendre comment l'ego peut s'affranchir de sa programmation. Qu'est-ce que la réincarnation? La réincarnation, selon Marc de la Salle, est un processus de continuité vibratoire où l'âme revient dans la matière pour poursuivre son évolution. Elle est liée à la nécessité pour l'ego de dépasser certaines mémoires et d'intégrer des expériences qui lui permettront d'élever sa conscience. L'auteur explique que l'âme ne se réincarne pas immédiatement après la mort, mais passe par une phase de repos et d'ajustement dans le monde de la mort, avant de retrouver un corps physique. Ce cycle est influencé par les liens karmiques que l'âme doit résoudre, ainsi que par son degré de maturité spirituelle. Toutefois, Marc de la Salle met en garde contre une vision simpliste de la réincarnation. Il souligne que l'âme, en s'incarnant, peut être prisonnière d'une programmation involutive si elle ne parvient pas à transcender ses attachements aux expériences passées. La véritable évolution se produit lorsque l'homme intègre l'intelligence de l'esprit et cesse de fonctionner sous l'influence exclusive de l'âme et de ses mémoires. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le lien entre réincarnation et mémoire karmique, ou tapez 2 pour comprendre comment dépasser les cycles involutifs de la réincarnation. Qu'est-ce que la politique? La politique, selon Marc de la Salle, est un jeu de pouvoir où les gouvernements sont souvent soumis à des forces économiques et occultes qui limitent leur capacité d'action véritable. Il explique que la transparence est rarement au cœur des décisions politiques, car les intérêts financiers influencent largement les orientations des gouvernements. Il critique le fait que les discours politiques servent souvent des intérêts cachés plutôt que le bien commun. La démocratie elle-même, bien qu'elle soit perçue comme un idéal, reste soumise à des jeux de pouvoir qui empêchent une véritable liberté pour les citoyens. Il souligne aussi que l'évolution politique ne viendra pas des gouvernements eux-mêmes, mais d'une prise de conscience individuelle qui remet en question les structures actuelles et pousse vers une gouvernance plus alignée sur l'intelligence et la dignité humaine. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre politique et pouvoir économique, ou tapez 2 pour comprendre comment l'individu peut se positionner face aux manipulations politiques. Qu'est-ce que la vieillesse? La vieillesse, selon Marc de la Salle, est souvent perçue comme un processus où l'individu accumule de l'expérience, mais elle ne garantit pas pour autant une intelligence réelle de la vie. Il explique que l'âge avancé ne signifie pas nécessairement une évolution de la conscience, car beaucoup restent enfermés dans des mémoires et des conditionnements qui limitent leur perception. Il souligne également que dans la société moderne, la vieillesse est souvent mise à l'écart, alors qu'elle pourrait être un temps d'intégration et de transmission. Toutefois, cela n'est possible que si l'individu s'est libéré des illusions et des attachements liés à son passé. Enfin, il met en avant que plus l'homme avance en âge, plus il devrait être en mesure de se détacher des peurs et des illusions liées à la mort, en comprenant que la vie est un processus continu d'évolution de la conscience. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre vieillesse et mémoire, ou tapez 2 pour comprendre comment vieillir en restant libre de toute programmation. Qu'est-ce que l'immortalité? L'immortalité, selon Marc de la Salle, est liée à la transformation de la conscience et à la libération de l'ego des structures de la mémoire et des influences astrales. Il affirme que l'homme doit d'abord quitter la Terre pour vivre ce principe d'éthérisation et que ce n'est qu'après sa mort qu'il peut avancer vers la vibration de son immortalité selon ce que ses corps sont capables d'intégrer sur un plan atomique. L'immortalité est aussi associée à la fusion avec la lumière et l'intelligence créative, ce qui implique une transformation totale de l'être, le libérant de la souffrance et du cycle de la réincarnation. Dans cet état, l'individu devient un voyageur du temps, capable de transcender la matière et d'explorer d'autres espaces-temps. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion d'éthérisation et sa relation avec la mort, ou tapez 2 pour examiner comment la fusion avec la lumière influence l'évolution de la conscience. Qu'est-ce que la guerre? Marc de la Salle aborde la guerre sous plusieurs angles, notamment en lien avec la manipulation du pouvoir, la domination et la destruction. Il explique que la guerre est souvent une manifestation de la volonté d'assujettir, que ce soit sur le plan politique, idéologique ou religieux. Il évoque aussi la guerre intérieure de l'homme contre les illusions du mental, une bataille essentielle pour briser le mensonge cosmique et accéder à une conscience plus évolutive. Dans cette perspective, la guerre devient un moyen de se libérer des forces de l'astral et d'intégrer une intelligence universelle. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la guerre comme outil de manipulation sociale ou tapez 2 pour examiner son rôle dans l'évolution de la conscience. Qu'est-ce que la paix? Marc de la Salle définit la paix comme un état de conscience qui dépasse les illusions de l'âme et de l'astral. La véritable paix, selon lui, est une construction intérieure basée sur l'intelligence et la volonté de l'homme à ne plus être manipulé par les forces involutives. Il insiste sur le fait que la paix n'est pas une absence de conflits extérieurs, mais plutôt une maîtrise totale de sa propre conscience et de son énergie. Il ajoute que la paix ne peut être vécue que si l'homme comprend les lois de la vie et ne se laisse pas enfermer dans les programmations mentales qui l'empêchent d'accéder à une intelligence universelle. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre paix et maîtrise de l'énergie mentale, ou tapez 2 pour examiner comment la paix s'intègre dans l'évolution de la conscience. Qu'est-ce que la communication? Marc de la Salle conçoit la communication comme un échange qui va au-delà des simples mots. Il insiste sur le fait que la communication véritable repose sur la transparence et l'absence de domination de l'ego. Une communication authentique implique la capacité de chacun à écouter l'autre, sans imposer ses propres insécurités ou jugements. Il met aussi en avant une communication qui s'élève au-delà du mental personnel pour s'ouvrir à une dimension plus éthérique. Cette communication télépathique, notamment avec les plans invisibles, est vue comme une forme de connaissance directe, non filtrée par les pensées conditionnées de l'ego. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la communication dans le couple et son rôle dans l'équilibre relationnel, ou tapez 2 pour examiner la communication télépathique et son lien avec l'évolution de la conscience. Qu'est-ce que la volonté? Marc de la Salle définit la volonté comme une énergie vibratoire qui permet à l'homme d'établir son individualité dans la matière. Elle ne se limite pas à un simple désir ou une force d'action, mais elle représente une capacité à s'arracher aux limitations imposées par l'âme et l'astral. L'homme doit développer une volonté autonome, dégagée des influences mémorielles, pour véritablement diriger sa vie et ne plus être soumis aux conditionnements extérieurs. Il insiste sur le fait que la volonté n'est pas un don, mais un acquis. Elle se manifeste lorsque l'homme décide consciemment de ne plus subir sa programmation astrale et commence à transformer son énergie intérieure pour se libérer de ses peurs et de ses blocages. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre volonté et libération de l'astral, ou tapez 2 pour examiner comment la volonté se manifeste concrètement dans la transformation de l'ego. Qu'est-ce que l'amour? Marc de la Salle définit l'amour comme une énergie vibratoire et non un simple sentiment humain lié à l'émotion ou au désir. Il insiste sur le fait que l'amour véritable est une manifestation de l'intelligence et de la volonté, et qu'il ne peut être capté que dans un corps mental froid, exempt des illusions de l'ego et des conditionnements mémoriels. Il critique aussi la vision traditionnelle de l'amour, souvent influencée par des concepts romantiques et sociaux, qui enferment l'individu dans des attentes et des illusions. L'amour, selon lui, est une force solaire et cosmique, qui, lorsqu'elle est intégrée, libère l'être humain de ses attachements et de ses dépendances affectives. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer l'amour en tant qu'énergie cosmique, ou tapez 2 pour examiner son impact sur les relations humaines et le couple. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement où j'ai posé des questions par rapport à l'intelligence artificielle en lien avec l'œuvre de Marc de la Salle. En fait, si vous avez envie de poser vous aussi des questions, bien naturellement, comme mentionné précédemment en début d'enregistrement, vous allez pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement présent le lien web là, par rapport au robot conversationnel là, lié à l'œuvre de Marc de la Salle. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.